Classique 21, podcasting. Way down in Alabama. Classique 21, BJ Sunday Brunch. Hello, hello. Enfin, le soleil est là. Moi, j'ai un grand, grand sourire sur la figure. J'espère que vous aussi, que tout se passe bien pour vous. Là où vous êtes, je voudrais aussi féliciter Monsieur Didier d'avoir gagné le Route de Blues. J'étais tellement excitée pour lui que j'ai raté le sortie pour venir au travail à Mons. Donc, j'ai dû faire un long tour, anyway. Mais pas aussi long que Didier va faire. On est très, très contents pour lui. Donc, félicitations. Aujourd'hui, on va démarrer avec Ryan Baltrop de Mobile, Alabama, avec Stuck in the Mud. Stuck in the mud, stuck in a rut. Been looking for love, found everything but. In a rut, been looking for love, found everything but, Lord only knows, when I get unstuck, meanwhile, found everything but Lord only knows we'll rise above. But meanwhile, happy as she has been will be. Stuck in the Mud de Ryan Baltrop. On va rester à Mobile, Alabama, avec quelqu'un qui a fait ici, à studio, dans le studio. On est à Classic 21, c'est ça, Marc? Help me, c'est dimanche, n'est-ce pas? Tu as joué hier soir, par hasard? Non, moi, j'ai pas joué. Oui. Ça s'entend. Et ça a été? Ça a été un peu super tard. Anyway, on va rester à Mobile, Alabama, avec Eric Erdman, qui avait fait un de mes premiers shows ici. Marc était là avec Rick Hirsch. On avait fait un live ici. Bonjour, monsieur. Mais bonjour, mademoiselle Scott. Je suis absolument ravie de... Ça me fait tout drôle d'être invité ici dans le studio. Hein? Oui, mais aujourd'hui, c'est moi qui te donne une carte blanche. On va un petit peu parler de les raisons pour lesquelles tu as choisi ces chansons-là. Mm-hmm. Oh, en plus, avec le soleil, est tout beau aujourd'hui, je dois dire. On va rater quelque chose. Il est super joli, monsieur Marc Isaïe. Voilà, on va faire Eric Erdman de la CD My Brother's Keeper. I'm through. Non, pas vraiment, non. Wharton, you can have your houseboat. Fail your bail, you'll sieve down the same. Patience may be virtue, but all sinking captain drown the same. I didn't come here looking for a project, didn't sign up for you. And once my slow vacation becomes a vocation, becomes a vocation. Notre cher Eric Erdman avec I'm Through. Ben, moi, je suis pas through du tout. Comme je dis, j'ai loin d'être fini. Je vais prendre peut-être un tout petit, quelques semaines de vacances. Je suis en train d'enregistrer mon nouveau CD, donc je vais en train de bosser. Mais, il paraît que je reviens en septembre. Ça me fait plaisir. Oui, c'est au programme. Voilà. C'est au programme, ça, c'est pas, cool. C'est pas vraiment un scoop, puisque, bon, voilà. Ça fait quand même pas mal de temps, hein, maintenant. Oh, il n'y a jamais des scoops avec moi. Je suis tellement babble tout, je dis tout. Hey, dis, Marc, dis-moi. Moi, je t'ai donné un petit peu le fleur que tu m'as offert depuis un an maintenant, tout juste. C'est un wild card. Je t'ai demandé de rester avec moi aujourd'hui et de venir avec des chansons, des choses qui te touchent. Et j'aimerais bien savoir ce que tu vas passer d'abord et pourquoi. Ben, il y a plein de choses qui me touchent, mais je me suis dit qu'on allait rester quand même dans les couleurs de l'émission, hein, puis les couleurs de Classic 21 aussi. Donc, ben, j'ai commencé par un morceau qui est tellement emblématique, qui est le Crossroad. Voilà, ça c'est un super choix. Ouais. Et c'est, pour moi, c'est un truc fondateur, parce que quand j'étais tout gamin, j'ai commencé à écouter les Beatles vers l'âge de 10-11 ans, puis bon, j'ai découvert qu'il y avait eu d'autres choses, et puis un jour, j'ai découvert le blues, et la fameuse phrase « Muddy Waters, the blues had a baby and they call it rock and roll ». The blues had a baby, they called it rock and roll. C'est Muddy Waters qui a dit ça, voilà. Et c'est vrai. Et le rock and roll, qui a été un truc tellement important dans ma vie, vient quand même du blues. Et le blues, le Crossroads, c'est une légende, évidemment. Mais quand on écoute aujourd'hui les morceaux écrits notamment par Robert Johnson, c'est lui qui a écrit Crossroads, qui a été enregistré vers 1937-38. Mm-hmm. Le son a un peu vieilli, mais il a écrit les fondements, il a écrit une trentaine de chansons, c'est les fondements du blues encore actuel. En étant un petit peu étudiant de Son House et toute cette génération qui était post-esclave, il y en a même certains qui avaient vécu les choses assez dures à l'époque, avait fondé ce début de musique et maintenant, ouais, en fait, comme tu dis, a donné naissance du jazz, rock and roll et tout ce qu'on écoute aujourd'hui. Et puis le Crossroads aussi, ça a été un des grands moments de bonheur de ma vie, j'ai eu l'occasion d'y aller. Et je vais y retourner, parce que je me suis juré que j'allais retourner à Clarksdale, au Crossroads, donc ce fameux carrefour de la 49 et la 61, qu'on peut voir partout, suffit de taper ça. Et alors, pour l'anecdote, j'ai déjà eu l'occasion de raconter ça, mais je serai très très bref. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que je suis quand même un peu curieux. Hein. Bon, on est allé demander aux gens qui travaillaient autour de ça, qui sont tous des Noirs. Oui. Ils ne savent absolument pas ce que c'est. Ils ne savent plus qui est Robert Johnson. Pourquoi il y a ce truc avec cette guitare, la 49, la 61, le Crossroad, l'âme au diable qui a été vendue en échange de la recette du blues? Parce qu'ils sont tous à fond dans le rap, dans le R&B. Et je pense que le blues, là-bas, en tous les cas, de ce que j'en ai perçu, chez ces jeunes noirs qui travaillaient là, hein, dans des drugstores, enfin le McDo du coup, enfin il y en a partout, pour eux, le blues, c'est vraiment synonyme de misère, c'était leur arrière-grand-parent, c'était l'esclavage, etc. Donc, comme m'a dit un jour une guitariste noire américaine que j'avais rencontrée, elle m'a dit, s'il n'y avait pas eu les blancs, il y a longtemps que le blues aurait disparu. Ah oui, c'est possible. En tout cas, c'est scandaleux que ces jeunes gens ne savent pas où ils sont. D'ailleurs, on va y retourner et on va leur expliquer comment ça marche. C'est ça. On va écouter Crossroads de Eric Clapton. Thank you. Classique 21. Parfois, après un accident, vous préférez d'abord vous rétablir dans un hôtel et ensuite recevoir la voiture de remplacement. Europe Assistance, personne ne vous aidera mieux. Classique 21, BJ Sunday Brunch. Jusqu'à 13h. Passer la frontière sans encombre, retrouver ma chérie, voir l'herbe grasse sous les décombres et croire en l'avenir même quand tout est bel et bien fini. Nous nous sommes quittés au mois de septembre en se disant que c'était mieux, qu'il fallait s'arrêter sans plus attendre et se résoudre aux adieux. J'ai pris la route dans l'espoir de perdre les démons qui me gouvernent, et je suis parti vivre pauvre et solitaire sur les montagnes d'Auvergne. Passer la frontière sans encombre, retrouver ma chérie, voir l'herbe grasse sous les de rude et de mauvaise volonté, rongeant les fruits de mon travail. J'ai tenté d'y croire, j'ai voulu résister, mais je n'étais pas de taille. J'ai descendu le fleuve pour atteindre la mer et m'engager dans la marine. J'ai soigné ma douleur dans les vapeurs de l'éther sur un pétrolier en ruine. Passer la frontière sans encombre, retrouver ma chérie, voir l'herbe grasse sous les décombres et croire en l'avenir même quand tout est bel et bien fini. Je regardais le large, récitais mes prières, je laissais passer le temps. Mais il m'aurait fallu plus d'une vie entière pour t'oublier même un instant. Malgré les efforts, j'ai gardé des séquelles, ce sont des choses qui arrivent. Je vais devoir attendre que la rivière gèle pour te rejoindre sur l'autre rive. J'aimerais passer la frontière sans encombre, remonter vers le nord, voir l'herbe grasse sous les décombres et croire en l'avenir, et croire en l'avenir. C'était 67, passer la frontière. Et parlant de passer la frontière, Marc Isaïe, tu as fait ça vraiment beaucoup, beaucoup. Tu étais un peu partout, toi, non? Oui, j'ai eu la chance de bouger beaucoup, principalement aux États-Unis. Mais c'est ça, c'est parce que d'abord, j'ai toujours été fasciné par ce pays. Moi, je fais partie de cette génération, le rêve américain. Je dis que moi, je suis arrivé, j'avais 15-16 ans, en 69, Woodstock, tout ça, ça m'a tapé sur la tête. Bon, alors on sait que c'est pas tout à fait ce qu'on croyait, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que je fais partie de cette génération. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, avec tous nos copains, on roulait sur des 50 et on avait peint notre casque, un casque américain, tu vois. Alors c'était bleu au-dessus avec les étoiles blanches et puis les lignes rouges et blanches sur le côté, qui faisait tout le tour du casque. On était fiers comme tout ce trimballer. C'était les Easy Riders belges, ouais. Là, ça c'est super. En mobilette. En mobilette, pourquoi pas, il faut commencer quelque part. Non, mais c'est vrai que c'est un pays que je connais, bah, que je connais très mal, mais j'y étais souvent. Mais malheureusement, j'ai toujours été aux mêmes endroits parce que avec nos métiers, bah, les interviews, c'était toujours soit New York, soit Los Angeles. Donc j'étais dizaines de fois là-bas, chaque fois, pas pouvoir rester très longtemps. Et c'est pour ça que j'étais très très heureux de faire la route du blues, notamment l'année dernière, parce que j'avais jamais été dans tous les endroits où on est passé. J'avais pas été à la Nouvelle-Orléans, j'avais jamais été à Memphis, j'avais jamais été à Nashville, j'avais pas été à Saint-Louis, à Jackson, enfin tout ça. Et là, j'ai eu l'occasion de le faire. Donc j'ai vraiment découvert des choses que je ne connaissais pas. Est-ce que tu avais l'impression que tu étais là où tu devrais être? Parfois, on va quelque part, un endroit où on rêve d'y être, et tout d'un coup, il y a tout ton être, toute ton âme qui dit oui, enfin. Bien un sûr. Petit peu comme si tu rentrais chez toi. You know, virtuellement. Mais moi, j'ai eu ça très très fort, et sans faire d'angélisme, et loin de là. Mais je ne suis pas spécialement croyant en quoi que ce soit de ce niveau-là. Mais si j'ai eu une autre vie, j'ai dû la passer là-bas, quelque part. Voilà. Parce que souvent, depuis tout jeune, toute la musique qui venait de là-bas, j'avais l'impression qu'elle avait été écrite pour moi. Je me disais, mais comment est-ce que des types qui habitent à 12 000 km de chez moi, que je connais pas, que je verrai jamais, je sais pas d'où ils sortent, peuvent écrire des trucs qui me touchent à ce point, moi. Et j'avais, je ne sais pas si j'ai vécu dans une autre vie, en tout cas j'ai dû vivre là-bas, peut-être en Alabama, ou dans le delta du Mississippi, j'ai peut-être été un esclave. On ne sait jamais, enfin, moi je crois dans le mémoire cellulaire, donc on ne sait jamais si un de tes ancêtres avait... Peut-être, oui. En tous les cas, c'est vrai que je me suis toujours senti de très très grandes affinités avec la culture anglo-saxonne. Bah, c'est pas pour ça que j'ai rejeté ma culture à moi, évidemment, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment marqué. Mais ça c'est formidable, c'est bien de dévoiler un petit peu les secrets comme ça, merci, hein, ça me touche beaucoup, et pareil, qui est une surprise pour moi, c'est quoi? C'est le prochain titre que je ne connais pas du tout. Non, mais c'est bien, j'ai piégé Bijou avec Bijou, avec un truc qu'elle ne connaissait pas. Bon. Non, mais plus sérieusement, ben voilà, ça c'est typique du très très grand talent du peuple américain, je veux dire, avec des gens qui ont fait des choses extraordinaires, il y en a en Belgique, en Angleterre aussi, mais beaucoup aux États-Unis, c'est des gars qui ont fait un album ou deux, qui n'ont pas vraiment marché, mais qui avaient une voix formidable. Alors est-ce qu'ils étaient mal managés? Ils sont arrivés au mauvais moment, dans la mauvaise firme de disques, avec le... Bon, on sait qu'il faut de la chance aussi dans ces métiers. C'est un bonhomme qui s'appelle Mark Curry, qui est complètement inconnu au bataillon, avec un morceau que j'adore, qui s'appelle All Over Me. Il chante divinement bien, il s'accompagne à la guitare, et je trouve ce morceau formidable. It's a very sexy title. Almost midnight, still coming down. All over me. Ain't no little light shining round my way. There's none I can see. And poor little Jim is just soaked through to the bone. Tired and cold, man. He's feeling alone. And he's seen lightning, and it ain't frightening to him. If it gets struck down, he the sun was shining. I thought she was mine. Don't know why she's crying. You know I didn't even see it coming, and now it's all over me. CBF Mobile Info. Jean-Marc Strel. Oui, et deux communications pour vous. Ce midi, un accident tout d'abord sur le ring intérieur de Bruxelles, à Zaventem. La bande de droite est neutralisée au kilomètre 33.7. Il y a 7 km de ralentissement tout de même depuis Grimbergen. Mais vous ne perdez que 4 à 5 minutes en direction de Waterloo, donc pas de catastrophe. Et puis toujours ce chevreuil gisant sur le 411 Bruxelles-Namur. Soyez prudents, c'est à hauteur de la sortie Louvrange sur la bande de droite au kilomètre 21.5 en direction de Namur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Classique 21. Vas-y Willy, passe devant et tâche d'éviter les accidents cette fois-ci. Hein. Aucun risque, j'ai commencé Start to Lens. Start to Race? Quand tu veux faire de la compétition? Non, Lens, comme l'anti-contact. Maintenant, ouais. Je peux vraiment me concentrer sur la route. Ouais, regarde devant toi. Et arrête de me parler alors. Porter des lentilles de contact sans souci, c'est simple. Demandez votre pack Start to Lens et un conseil d'expert chez un opticien participant. Plus d'infos sur starttolens.com, en collaboration avec Alcon. Alcon, vos lentilles, coaching compris. Pinot des Charentes, so freshy, so friendly, so city. À partager tout en sagesse, blanc, rouge ou rosé, avec ou sans glace. Campagne cofinancée par la France et le Pinot des Charentes. So city. Parfois, on a envie de faire pétiller sa journée. Scalpel. Scalpel. Pince. Pince. Compresse. Compresse. Et dans ces moments-là, un spa pétillant, ça fait du bien. Ciseaux. Papier. J'ai gagné! Oh, mais bravo, docteur! Yes! Spa légèrement ou intensément pétillant, faites pétiller votre quotidien. Psst! Et pour changer, découvrez maintenant Spa pétillant avec une touche de citron. Spa! Je suis ultra connecté. Je suis le fruit de la technologie. Je suis débordante d'énergie. Je suis avant-gardiste. Je suis innovante. Et avec de nouveaux moteurs diesel, je suis plus économe que jamais. La nouvelle classe A 160 CDI, à partir de 22 950 euros, chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Classique 21 et Etias présente le Brussels Summer Festival, 10 Days of Music and Much More, du 9 au 18 août, avec Madness, Amy McDonald, Saez, Puggy, The Dandy Warhols, Section d'Assaut, Kiss Choice, Arnaud, Channel Zero, Black Box Revelation, and many more. Info, bsf.be, avec la 2. Classique 21 et la 2 présente La Fête des Solidarités. Un week-end pour découvrir la fabuleuse cité des enfants. S'inspirer dans les débats de société et profiter de plus de 20 concerts avec Marc Lavoine, Suarez ou Zaz. Le 7 et 8 septembre à la Citadelle de Namur. Info et tickets, lafetedessolidarités.be. Un événement Solidaris Mutualité avec PEV et la ville de Namur. Thomas Cook présente 50 nuances de blanc. Sur la plage blanche de l'hôtel, je l'aperçus et me mordis doucement les lèvres. Ma langue était avide de goûts inconnus. Gelati, gelati. Ici, ici, stracciatella. Enchanté, mademoiselle stracciatella. Moi, c'est Gino. Réservez vite chez votre agent de voyage l'un de nos milliers de last minute, qualité garantie. Et l'hôtel est bien situé. Thomas Cook, que les vacances commencent. L'avenir en version numérique pour 4 euros, c'est maintenant. Lisez le journal, ses suppléments, ses dossiers spéciaux sur votre tablette ou PC pendant un mois pour 4 euros seulement. Bientôt les vacances, profitez-en. L'avenir en version numérique pour 4 euros, c'est maintenant. Rendez-vous sur l'avenir.net/promo. L'avenir, l'avenir est au contenu. Classique 21. BJ Sunday Brunch. Oh yeah, happy birthday to us. Ça fait un an que je fais BJ Sunday Brunch et je suis tellement fière d'avoir ici dans le studio avec moi le grand monsieur Marc Isaïe. Et Marc Isaïe, c'est lui qui m'a donné l'opportunité de rester avec vous depuis, oui, voilà, 365 days, baby. Ouais. On est ici pour parler un petit peu de son amour du Sud, son découvert récemment avec la route de blues, que c'est le moto. j'ai pas de vocabulaire qu'il me faut pour ça. Mais anyway, Marc qui a découvert un petit peu des choses en lui, autant que autour de lui, musicalement. Et personnellement, tout ça dans le Sud. Ouais, mais ce qui est amusant, c'est que j'ai eu l'occasion d'aller au musée du blues. Il y en a un super beau à Clarksdale, il y en a à Memphis, il y en a partout. Il y a le musée B.B. King aussi un peu plus bas. Et ce qui est amusant, c'est que quand je suis entré dans le musée du blues, eh bien, avec tous mes camarades qui étaient là, hein, puisqu'on était quand même une centaine d'auditeurs, je me suis improvisé guide dans un musée où jamais mis les pieds. Et je connais tellement cette histoire que j'avais pas besoin d'y... Vraiment, donc je n'ai fait que voir des choses que je connaissais. Je dis, ah ben oui, lui, c'est lui qui a fait ça, puis celui-là, il est allé là, et ça, c'est machin, il est né là, dans la plantation, truc, et ça, c'est fabuleux, ça fait aussi partie de... J'étais tellement touché par tout ça, j'ai tellement étudié ça, je me suis nourri de tout ça, que quand je suis arrivé là-bas, ben, j'avais l'impression d'être chez moi. Ça, c'est hallucinant comme ouais, sentiment. C'est excellent, c'est un autre côté de toi, on se tutoie, parce que moi, on se connaît depuis si longtemps. Et je suppose que les auditeurs, ans, les auditrices vont comprendre ça, mais c'est vraiment intéressant d'avoir un autre côté de toi qui partage ton savoir et ton savoir-faire aussi dans la musique, mais aussi de te voir ému, mélomane, aficionado, le passionné par ce que tu es en train de me raconter là et que on racontait aussi à tous les auditeurs. 300 000, tu avais dit tout à l'heure, ouais, qui nous écoutent sur Classic 21. Jours, et ça, c'est fantastique. Et c'est aussi grâce à toi et cette générosité. À... Là, je fais faute manche. Non, il ne faut pas faire faute manche parce que c'est... Alors, c'est vrai que moi, je suis à la base de l'idée Classic 21. C'est vrai, j'en suis le patron depuis 10 ans, mais s'il n'y avait pas l'équipe derrière, on n'en serait pas là. Et c'est à l'équipe qu'il faut certainement, voilà, c'est vrai, tu fais vrai, je vois ça moi-même. Marc, je vais te faire écouter Grace and Caps, que moi je trouve incarne totalement le nouveau retour au son un peu vintage, au son greasy, gras qui se passe un petit peu aux États-Unis en ce moment. C'est Grace and Caps qui est né à Fairhope, Alabama, mais qui a déménagé avec son père à Nouvelle-Orléans, là où il a aidé son père dans l'écriture d'un scénario pour un film qui s'appelle Love Song for Bobby Long. Et c'est John Travolta qui avait joué le rôle principal. Grayson a fait la musique pour ça. Donc c'est une très belle histoire, une rencontre. Moi je parle juste pour Grayson et son père, une rencontre de père et fils qui ont su faire quelque chose d'extrêmement intéressant. Et très touchant aussi. Un petit peu, on peut parler de cette film un petit peu comme toi, tu parles de tes découvertes dans le Sud. Grace qui a découvert le Nouvelle-Orléans, qui en est tombé amoureux. Cette influence, on va la trouver très fort dans cette chanson qui s'appelle Mercy de son CD If You Knew My Mind. Grace and Caps. Scratching at a door, full moon rising, whoa, I walk the floor. 4 in the morning, no headlights on the streets, ain't no one open, but I can't sleep. 5 in the morning, birds waking up, are you in trouble? Baby, by me. If you didn't want me, why didn't you love me? Gracing Caps de Fairhope, Alabama. C'est vraiment pas loin de là où j'étais élevée, moi, sur la côte est de Mobile Bay. Beautiful. Ouais, ça sonne incroyablement simple. Mais c'est le genre de truc, on se dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça moi-même? Oui, c'est vrai, en même temps. Parce qu'il y a trois accords, et c'est... mais c'est magnifiquement bien rendu. Quoi. Je connaissais pas du tout. Belle découverte. Oh, well, thank you. Et voilà, on reste en Alabama, n'est-ce pas? Tu vas me faire écouter encore un choix oui, de oui. tes disques. Bon, ça, c'est un morceau que tout le monde connaît. C'est pas une surprise, même si le groupe a vraiment été tagué à Alabama, mais ils se sont quand même formés en Floride au départ, mais c'est pas très ils loin. Ils sont de Floride. Ouais, ils sont de Floride. Tout le monde croit qu'ils sont d'Alabama. Uh-huh, parce qu'ils ont écrit Sweet Home Alabama, c'est Leonard Skinner, mais oui. ils sont formés en Floride. Enfin bon, c'est à quelques kilomètres. Hein, Jacksonville, pas, Florida, oui. Ouais, c'est pas très loin. Côté. Mais ils avaient leur cousin, leur cousine qui habitait voilà. Mobile. Et c'est amusant parce que là-bas. Ça, c'est un groupe que j'ai. Pourtant, moi, j'étais pétri de culture de musique anglaise hein, quand j'étais jeune. Et puis, la musique en vogue, moi, quand j'avais 17-18 ans, c'était Genesis, Yes, machin, tous ces trucs-là, très compliqués, musique progressive. J'adorais ça aussi. Mais Leonard Skinner, ça a été quelque chose de particulier parce que j'ai découvert ce groupe tout à fait par hasard. Et je me suis rendu compte de l'importance parfois des premières parties, comme ça pouvait aussi marquer, bon, pas des gens qui sont des vieux routiniers ou des pros, mais quand on est très jeune, comme ça, on peut être très très marqué. Et j'avais été voir Humble Pie, c'est un groupe que j'adore, le groupe de Steve Marriott, à l'ancienne Belgique, à Bruxelles, et en première partie, ils avaient mis Leonard Skinner, ce que je connaissais absolument pas, et j'ai été littéralement, mais atomisé par le concert de Leonard Skinner. Il y avait Gary Rossington, il y avait évidemment Van Zandt, il y avait le grand guitariste Allen Collins, malheureusement, ils sont tous morts. Hein. Ouais. Aujourd'hui, il reste que Gary Rossington qui est là. Et c'est un concert qui m'a vraiment marqué très très fort. J'ai trouvé que ces gens jouaient magnifiquement bien, qu'ils étaient beaux, ils étaient jeunes, évidemment, à ce moment-là. Et puis cette musique que je ne connaissais pas bien, c'est là que j'ai vraiment découvert, pas le blues, mais que j'ai découvert la musique du sud des États-Unis. Le Dixie Rock, comment on l'appelle? Ouais, il n'y avait pas que ça, il y avait du blues, il y avait du rock, c'était le Southern Rock. Hein, Southern Rock, Dixie Rock. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai choisi Free Bird, qu'on va écouter dans une version courte, parce que c'est un morceau qui passe souvent, que tout le monde connaît. Et puis surtout, moi, ce qui m'a passionné dans ce morceau, c'est le texte. Et c'est aussi le genre de morceau qui a fait que j'ai voulu vraiment apprendre l'anglais pour comprendre ce qu'il racontait. Je trouvais ça tellement beau. Quoi. Le mec, il dit à sa copine, je peux pas rester parce que je suis libre. T'aimerais bien que je reste encore une nuit, mais je peux pas parce que je suis libre, libre comme un oiseau. Et moi, quand j'étais tout jeune, mais ce sont des phrases que je trouvais absolument magnifiques. Quoi. Je trouvais ça magnifique. Ça donnait de passer du mobilette au vrai moto. Ouais, right, par exemple. C'est vrai. Exactly. On va écouter le absolute anthem of Alabama, which is not Sweet Home Alabama, c'est bel et bien Free Bird. Ouais. Thank you. Ladybird! C'est ça qu'on crie dans tous les bars en Alabama, Floride et ailleurs dans le sud. Ouais. Ici. Mais et c'est si un tu morceau le cries, qui... tu dois donner plus d'argent parce que les gens, tout le monde j'aime là-dessus. Mais c'est un morceau qui passe encore tout le temps à la radio aux États-Unis, ça. Oui. Et alors ici, pour les puristes, quand même, on va le dire, c'est la version single qui était sortie, qui n'est pas la meilleure, hein, parce que le morceau est très très long. Oui. Et nous, à Classic, on a deux versions. On a la version de l'album qui était fondue avec un fade-out à la fin qui fait 7 minutes. Et alors, on a aussi celle qui est plus compliquée à trouver, qui est la même, mais ils vont jusqu'au bout. Voilà. Oui, je crois que c'est 12 minutes. Et sur scène, ça pouvait durer très longtemps, mais c'est tellement emblématique de tout cet esprit de liberté, de nouveau qu'il y avait dans ces années-là. Alors, on sait que c'était un leurre, tout ça. Bon, ça n'a pas changé le monde, mais nous, on l'a cru à un moment donné. Donc, c'est ça qui est important. Je crois que ça a quand même changé le monde un tout petit peu, quelque part. Peut-être juste la façon que les jeunes gens de cette époque ont commencé à voir l'importance de leurs origines et de vouloir quand même porter ça un petit peu plus loin dans le rock and roll. Et de faire le crossover entre le blues blanc et le rock noir, en fait, quelque part, parce qu'on avait tous ces groupes comme Mother's Finest et tout, qui, il y avait beaucoup de choses qui se passaient entre Atlanta, Georgia. Et bon, on peut parler pendant des heures. Elle est partie, là. J'ai été faire découvrir une femme de chez nous, en Alabama, qui vient de Muscle Shoals, et quelqu'un que tu avais particulièrement aimé, Marc. Alors, je me suis dit que c'était quand même bien que j'ai passé un morceau de Shauna P. Ah, from the Earth Funk Tribe. J'ai eu la gentillesse de le mettre en powerplay un moment. Et cette chanson ici s'appelle Dig Deep, faut creuser profondément. Très, très grand album. Shauna P. I'm talking to the people of the world. Spitting the news. Dig Deep de Shaunapee de Muscle Shoals, Alabama. Ça, c'est pas mauvais, hein? Alors, comme on dit chez nous, c'est sérieusement en ordre. Muscle Shoals qui est un endroit, et puis c'est le studio aussi, Muscle Shoals aussi, hein? Oui, et c'est fort possible que c'était enregistré là-bas pour que je take ses credits avec Shaunapee. De toute façon, je vais le voir dans quelques semaines, là, parce que bon, je suis en vacances et beaucoup de monde sont en vacances maintenant cet été. Je lui dirai une fois de plus combien on apprécie sa musique ici. Elle est chouette en plus. Tu nous l'amènes, on n'est pas fâchés. Hein. Pas de problème. Et bien voilà, il est déjà temps pour moi de dire ciao. Et merci pour tout. Merci pour l'opportunité que tu m'as donnée, Marc, pour passer la musique que j'aime et partager les petites histoires avec les auditeurs et auditrices. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté ça. Et puis, c'est pas tous les jours que je suis invité, moi, au micro de Classique 21. Oui. D'habitude, c'est moi qui interview les autres, mais là, c'était un vrai bonheur. Merci. Oh, thank you, darling. Merci pour tout. Et puis, on se retrouve au mois de septembre. Et puis, on rappelle encore que pendant tout l'été, c'est notre Good Old Blue Eyes qui revient avec une émission qui s'appelle You Know My Name, Pierre Guyot, donc entre midi et 13h, tout génial. L'été. Ça va, je serai à l'écoute aussi. Oui. Bye bye, BJ. Bye bye. Voici bientôt Eve Lambert qui va venir prendre le relais. Je vous embrasse méga, méga fort. Et on se quitte avec Wet Willie. Faut bien. Classique 21, podcasting.